Chapitre 20e, le sergent Delves. Le samedi suivant avait été fixé pour l'ouverture de la cour d'assises de Helstonleigh. Ce jour arriva promptement. Les rues avaient revêtu leur air de fête, le grand shérif allait à la rencontre des juges et de nombreux groupes attendaient son retour. Parmi les gens qui obstruaient la route se faisait remarquer la haute et puissante personne du sergent de police Delves. Il se promenait seul d'un air indifférent, ayant en réalité l'œil partout. Son regard tomba tout à coup sur M. Winter, qui, d'un air fort pressé, cherchait à traverser la foule. Malgré sa hâte, M. Delves l'arrêta en l'attirant un peu à l'écart. « Je vous cherchais, M. Winter, » dit-il d'un ton de confidence. « Dites donc, cette histoire que Dare réussira à établir un alibi est-elle vraie ?»« Quel est donc le mal avisé qui a fait courir ce bruit ?» demanda l'avocat d'un air à la fois piqué et surpris. « C'est Dare lui-même qui m'en a informé. » répondit le sergent. J'étais tout à l'heure à la prison et je l'ai vu dans la cour avec le geôlier. Il m'a appelé à l'écart et m'a dit que Herbert serait assurément acquitté. Alors Dare est un imbécile. Il n'avait pas le droit d'en parler, même à vous. Mais je ne sais rien, dit négligemment Delves. Je ne souhaite pas de mal au Dare. Quelques-uns d'entre eux pourraient vous le dire, ajouta-t-il d'un ton significatif. Qu'est-ce que cet acquittement dont il parle? Il établira un alibi. Est-ce un alibi fabriqué? Demanda Delves avec sa franchise habituelle. « Non, vous comprenez bien que je ne voudrais pas prêter la main à un mensonge. » Il a dit dès le commencement qu'il n'était pas dans la maison, et c'est ce qu'il prouvera. « Vous a-t-il confessé où il était ?»« Oui, on le saura au tribunal. »« Il ne faisait rien de bon, je gage ?» fit le sergent d'un ton d'oracle. M. Winter fronça le sourcil et leva légèrement les épaules, ce qui pouvait à volonté signifier quelque chose ou rien du tout. Le sergent Delves réfléchissait. Il se réveilla pour jeter un regard scrutateur sur l'avocat. « Monsieur, » dit-il, et il aura à peine parlé avec plus d'instance si sa vie avait dépendu de la réponse, « dites-moi la vérité. Vous-même, dans le fond de votre cœur, croyez-vous Herbert Dare innocent ?»« Delves, aussi sûrement que nous sommes ensemble, Herbert ne s'est pas plus mêlé de la mort de son frère que l'un de nous deux. » « Alors je veux bien être pendu si je ne suis pas sur la piste du vrai coupable, » s'écria M. Delves en se frappant la cuisse. « J'avais bien pensé une fois, mais j'avais mis de côté cette idée tant j'étais sûr que c'était Maître Herbert. De quelle piste parlez-vous donc? Regardez. Mais c'est à mon tour, à vous avertir de faire la sourde oreille. Il y a par ici une jeune femme qui a rencontré Anthony Dare la nuit de l'assassinat, lorsqu'il allait à l'hôtel de l'Étoile. Il ne s'était pas bien conduit avec elle quelque temps auparavant, à ce qu'on dit. Elle le rencontra et lui dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle ne put pas en dire beaucoup, car il ne voulait pas l'écouter. Mais à présent, M. Winter, il m'est venu souvent à la pensée que l'aurait bien pu attendre son retour, l'avoir suivi jusque dans la salle à manger et avoir fait le coup. Oui, je veux bien parier que c'est elle, acheva précipitamment le sergent. J'y aurai l'œil. Voulez-vous parler de cette jeune femme de Hanefer? Demanda M. Winter. Précisément, d'elle et de personne autre. Ce doute m'est déjà venu, mais j'étais si persuadé que c'était le frère que je n'ai pas poussé plus loin mon idée. La faible main d'une femme pourrait-elle porter de pareilles blessures? Fit l'avocat. La faible main d'une femme, répéta le sergent. Allons donc, ces femmes ont une force d'homme, je vous le jure. Vous ne les connaissez pas comme nous. Une femme désespérée, capable de tout. Et de plus, rappelez-vous qu'Anthony Dare n'avait pas de cette force cette nuit-là. M. Winter secoua la tête. Cette fille n'a pas du tout l'air féroce. Je doute que ce soit elle. Voyons, comment s'appelle-t-elle? Caroline Mason. À ces mots, les cloches de la cathédrale annonçant le retour de la procession et l'arrivée des juges se mirent en branle. Comme s'ils se sont rappelés à l'avocat la brièveté du temps, il continua son chemin, laissant le sergent employer ses yeux et ses oreilles à examiner la foule. « Je me demande ce que doivent éprouver les prisonniers en ce moment, » disait une femme que M. Delves reconnut pour Mme Cross. Elle sortait d'une fabrique avec son ouvrage pour la semaine suivante. « Pauvre créature, » répondit une autre femme qui n'était autre que Mme Brum. « Qui sait ce que pense le jeune Dare, et le vieux Dare aussi, s'il entend les cloches de son bureau. Ils connaîtront bientôt leur sort tous les deux. » Dans le voisinage de ce groupe, une jeune femme, frôlant le mur, se cachait à l'abri d'une porte cochère. Sa figure, jadis fraîche et jolie, était décolorée, et ses habits étaient déchirés. C'était pour cette raison, peut-être, qu'elle craignait d'attirer l'attention sur elle. M. Delves, sans autre but apparent que de traverser la foule, se rapprocha d'elle. Vous venez regarder ce qui se passe, mademoiselle Mason ? » Caroline tourna sur lui ses yeux éteints. « J'attends de pouvoir passer sans presser les gens et les salir. »« Qu'est-ce que ça me fait, la foule ?» Aux dernières assises de mars, quand les juges arrivèrent, le jeune Anthony Dare était dans la rue qui regardait aussi, reprit le sergent d'un ton affable. Je l'ai vu et je lui ai parlé, et maintenant il s'en est allé, là où il n'y a plus d'obstacle. Elle ne répondit pas. Ces femmes, continua Delves, montrant du doigt un groupe de commères, disent que Harbert Dare ne doit pas entendre avec plaisir le son des cloches. Bon Dieu, regardez donc ces petits crapauds de collégiens, interrompit-il, à la vue d'une vingtaine de gamins qui se frayaient à coups de coude un chemin dans la foule. On dirait autant de chevaux échappés. Peut-être que le prisonnier se reporte au temps où il faisait partie de leur bande. Il n'y a pas si longtemps de ça. Caroline demanda brusquement. Sera-t-il reconnu coupable, monsieur? Le croyez-vous? Le sergent la regarda de son œil perçant et répondit à sa question par une autre. Et vous? Elle secoua la tête. Je ne crois pas qu'il soit coupable. Vous ne le croyez pas? Non. Pourquoi un frère tuerait-il son frère? C'est vrai, fit le sergent en toussant. Mais quelqu'un l'a tué. Si ce n'est pas M. Herbert, qui est-ce? Ah oui, qui est-ce? J'aimerais bien le savoir, dit-elle d'un ton passionné. Il y avait dans la ville des gens qui lui gardaient rancune à M. Anthony Dare. Si mes yeux ne m'ont pas trompé, je vous ai vu lui causer la nuit même de sa mort, observa négligemment le sergent. Ah, vous m'avez vu, répliqua-t-elle du même ton. J'avais une commission à faire de ce côté-ci de la ville. Je le rencontrai et je lui dis ce qu'il était. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, depuis des années, peut-être. Je me glissais partout pour l'éviter lorsque je le voyais venir, mais cette nuit-là, je ne sais pas ce qui m'engagea à lui parler. Je suis bien aise de l'avoir fait. J'espère que les vérités que je lui ai dites s'en sont allées lui égayer son voyage. L'avez-vous revu après, plus tard, dans la soirée? Demanda le sergent d'un ton indifférent. Et en étendant la tête pour apercevoir quelque chose à distance. « Non, répondit-elle, mais j'aurais cherché à le revoir, si j'avais su que ce serait la dernière fois. Je l'aurais engagé à se souvenir de toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites. Je serais presque allé avec lui pour entendre comment il en répondait. » Caroline indiqua du doigt le ciel lorsqu'une fanfare bruyante l'interrompit. Les héros marchaient à pas lents en faisant sonner leurs trompettes, les lanciers à cheval les suivaient la lance au poing. Quelques officiers venaient après, puis s'avançait l'équipage du haut shérif, les chevaux carapassonnés d'argent. Un seul juge en grand costume s'y trouvait. Sa figure bienveillante, souriante et grave, plaisait dès l'abord. Le grand shérif causait avec son chapelain assis à côté de lui. L'attention du sergent Delves fut distraite un instant par ce spectacle. Quand il retourna la tête, Caroline Mason avait disparu. Il l'aperçut à distance, marchant à l'écart, la tête basse. Est-ce celle qui a fait le coup, oui ou non? Se demanda le sergent à mi-voix. Allez, allez, madame, on va s'occuper de vous. Qu'éprouvaient les prisonniers, Herbert Dare en particulier, lorsque la fanfare joyeuse de la musique, le son des cloches battant à toute volée, les mille bruits de la vie pénétrant par-delà les murailles de la prison, arriveraient jusqu'à leurs oreilles? Sentaient-ils que ce tumulte et cette pompe qui attiraient la foule n'étaient pour eux que l'annonce d'un événement tragique? Que le juge en robe écarlate et en perruque poudrée qui penchait sa figure sereine sur la multitude allait décider de leur sort, fermer peut-être devant eux les portes de ce monde pour leur ouvrir celles de l'éternité.